E passiamo alla ultima presentazione del pomeriggio, prima dei poster. Torniamo un'altra volta al Rodano. È una presentazione di dottore Rossio parlando di rappresentazione du territoire du Delta du Rhône all'époque médiévale. Mesdames, Messieurs, un avertissement liminaire, hors de mon propos. On vous distribue des photocopies et vous pouvez constater que mon illustration iconographique est par rapport aux merveilles que l'on vient de voir d'un désolant archaïsme. Cet archaïsme est désolant, mais il est obligé en quelque sorte parce que la photographie des reproductions de cartes anciennes disponibles ne passe pas l'écran et devient illisible sur l'écran. Et j'ai donc dû me rabattre sur la photocopie et le reste est venu avec. Ceci dit, un beau matin de février, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, un beau matin de février, j'ai découvert sur mon écran une invitation à ce colloque. Je remercie très vivement Catherine Virlouvet et Marie-Brigitte Carr, les organisatrices. J'ai en même temps pris connaissance du sujet qui m'était suggéré, proposé, vie et représentation du territoire du delta du Rhône à l'époque médiévale. Après un moment de surprise, parce que j'ai l'habitude de choisir mes thèmes d'intervention, j'ai accepté à la fois l'invitation et l'intitulé, mais en explicitant les termes, car on conviendra que la notion de représentation est extrêmement malléable et que l'époque médiévale, par sa durée même, est forcément polymorphe. Justement, en matière de représentation, il existe plusieurs Moyen-Âge, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, domine presque exclusivement une géographie ou une physique de la Terre de studium, de cabinet. Elle est contenue dans les étymologies, dans les miroirs, dans des images du monde, des élucidaires, des secrets aux philosophes, puis dans les vastes encyclopédies caractéristiques du XIIIe siècle, les Ossia Imperialia de Gervais de Tilbury, De Proprietibus Rerum de Barthélemy Langlais, ou bien le Speculum Quadruplex de Vincent de Beauvais, parmi d'autres. En ces inventaires, les grands fleuves et leurs deltas prennent évidemment place, mais en tant que figures conventionnelles dont les traits sont empruntés pour l'essentiel à la géographie des anciens. Et ces traits n'ont que peu à voir avec la réalité brute. L'appartenance à la catégorie des grands fleuves exige des sources plurielles et permanentes, la pérennité du nom, une multitude de tributaires et un grand nombre d'embouchures, si possible 7, comme le Danube ou comme le Nil. 7, c'est l'infini. Là-dessus peuvent se greffer quelques mirabilia ou quelques fables spécifiques au Rhin, au Rhône ou à l'un de leurs frères. J'avais d'abord pensé consacrer une partie de mon exposé à ces merveilles et à ces fables, avant d'y renoncer. Qu'en aurais-je retenu, en dehors de la sempiternelle étymologie de Camargue, la Cara Marcia, le gras pays, enrichi par le Rhône, fertilisé par le Rhône, comme l'Égypte l'est par le Nil et le monde par les fleuves du paradis? J'en aurais retenu essentiellement deux convictions. Première, l'extraordinaire consistance, aux yeux des médiévaux, de ces terres basses, percées d'innombrables veines, de canaux souterrains, par lesquels les eaux du Rhône, une fois entrées en mer, remontent vers leur source, puisque chacun croyait, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, à la théorie plus ou moins mitigée de la circulation interne des eaux et à l'existence d'un fleuve souterrain allant contre-mont vers la montagne apparemment mère de ces eaux. La première mer, la mer véritable, c'est la mer Méditerranée. et bien des légendes arlésiennes, tarasconnaises ou beaucoroises, faisant la part belle aux gouffres et aux monstres, s'accordaient à cette manière de penser le monde. Pensez au Léviathan, pensez au Malcrozet d'Arles, pensez à la Tarasque ou au Drac de Beaucaire. Seconde conviction, l'insigne ancienneté du Rhône, qui en faisait l'un des plus nobles fleuves et donc le plus naturel du monde, puisque 106 ans après le grand déluge, le père Noé, qui était encore dans la force de l'âge, puisqu'il n'avait que un peu plus de 700 ans, mais il avait encore 250 ans à vivre, le père Noé, passant devant les embouchures du Rhône, y déposa des hommes et des animaux en suffisance, en attendant que son petit-fils, Samothès, s'établisse et donne des lois au peuple. Par là, le Rhône remontait donc, cette idée voltigeait, planait de chroniqueur en mythographe, et par là, le Rhône remontait donc au déluge, peut-être même au temps antédiluvien, ce qui n'était pas le cas de tous les autres, même les plus grands, puisqu'on avait cru longtemps que le relief de la Terre était né ou s'était accentué avec le déluge, et que la plupart des fleuves et des rivières du monde étaient des enfants de l'érosion longtemps après la grande secousse. Bref, les géographes du premier Moyen-Âge accordaient au delta une importance insigne, mais ils ne disaient rien de la configuration des côtes, du tracé des brassières et du partage entre la terre et les eaux. Un second Moyen-Âge s'ouvre heureusement avec l'apparition de la cartographie nautique, des cartes marines, que l'on dit portulanes, qui, dès la fin du XIIIe siècle, la première, et c'est, vous le savez, la carte pisane, dite pisane parce qu'on l'a trouvée à Pise, qui date des années 1270-1280, ces cartes illustrent et complètent les routiers de mer beaucoup plus anciens, qui sont les portulans proprement dits. Ces portulans signalent aux doctores, aux pilotes, pour une section plus ou moins étendue de côte, les écueils, les havres, les caps et les directions. Alors, au chef-d'œuvre cartographique produit par les ateliers génois et majorquins dès le début du XIVe siècle, s'ajoutent des dizaines de cartes, j'en ai recensé une centaine concernant le delta du Rhône, une centaine en deux siècles et demi, dont la diffusion semble peu affectée par les œuvres néo-ptoléméennes de la fin du XVe siècle, les Galliers modernés de Florence, puis d'Ulm, de Vienne, etc. Des cartes néo-ptoléméennes qui ne donnent d'ailleurs du delta qu'une image extrêmement schématique, c'est-à-dire une simple trifurcation de bras réduits à des traits minces. Bien. Ces cartes marines, elles pénètrent quand même, ce sont des œuvres de culture, et elles pénètrent quand même les milieux marchands. C'est-à-dire qu'on en a retrouvé des fragments dans des reliures de notaires à Avignon ou ailleurs. Preuve qu'elles étaient achetées, il y avait d'ailleurs des ateliers de fabrication, mais plus tardifs, au XVe siècle et au début du XVIe siècle, à Lyon, dans l'intérieur des terres. Et ces cartes étaient achetées par de grands marchands ou de doctes personnages. Et donc, cette cartographie nautique, même si elle est, je vous le montrerai, très répétitive et parfois même fossilisée, a pu influencer très profondément les représentations du delta du Rhône que pouvaient avoir les oligarchies urbaines ou des personnages cultivés et curieux comme le fils de pêcheur arlésien Bertrand Bouisset, enfin dont on connaît les œuvres. Ces cartes marines permettent enfin, à partir du début du XIVe siècle, de confronter les discours de portée géographique qui peuvent se trouver dans des œuvres hagiographiques, poétiques, romanesques, etc., ou historiques, de les confronter aux figures de la carte portulane et de comparer ces figures de la carte portulane à nos propres connaissances. Bon. Étant entendu que la carte ancienne, comme toute autre représentation graphique, peut retransmettre des incompréhensions, des fables, tarder à informer ou bien anticiper sur l'œuvre des hommes. C'est cette mise en présence du discours et de la figure et de nos connaissances que je vais tenter ici en privilégiant l'essentiel, c'est-à-dire les flancs occidental et oriental du delta. La figure prévaut dans le premier cas et le discours dans l'autre. Je prends pour point de départ deux œuvres élaborées au temps même où Dante rédige la Divine Comédie, entre 1307 et 1321. Et Dante contribue à situer précisément sur l'orbe le delta du Rhône, à mi-chemin entre l'Èbre et le sud de la Ligurie, c'est-à-dire au centre de la Méditerranée occidentale et au milieu de l'orbe, c'est-à-dire à 45 degrés de latitude selon les tables planétaires dites de Tolède. Marseille est le milieu du monde, dira-t-on un peu plus tard, dans une œuvre politique et idéologique qui s'intitule « Le songe du verger ». Le Marseille est le milieu du monde et le delta du Rhône, par la même occasion, aussi. Les auteurs de ces œuvres graphiques sont les pères fondateurs de la cartographie nautique, Pierre Vesconte. Pierre Vesconte, c'est un Génois qui a surtout travaillé à Venise et qui fait très révélateur d'une forme d'esprit, d'une manière de voir le monde, signe et date ses œuvres. Bon. Et Angelino Dussert, qui est un Majorquin originaire de Ligurie. Tous deux dessinent des deltas qui, malgré leurs différences de corpulence, présentent des points communs, bien des points communs, et ces points communs, je vais les présenter par ordre d'importance croissante. En premier lieu, ils proposent entre les deux bras du Rhône. Vous les voyez assez distinctement, ces deux bras, à l'est du Lido, sur le Liber Secretorum de 1321, à l'est du Lido Noir, de la bande de terre noire, il y a le Rhône de Saint-Gilles, et puis à l'est, le Grand Rhône. De même, dans les deux autres cartes, hein, Vienne, le Liber Secretorum, c'est Vienne, et Lyon, ce sont les lieux de conservation des manuscrits cartographiques. Et Majorque, 139. Bon. Alors, il propose une Camargue compacte, d'où les chenaux intra-camarguais et leurs gros ont complètement disparu, ce qui, au début du XIVe siècle, n'est pas trop éloigné de la réalité, mais éloigné quand même. Je vous reporte à la page 2, et là je demande pardon aux Arlésiens qui sont dans la salle pour la simplicité de ma représentation, hein, de la carte, pour une représentation qui est fautive à la naissance des Rhônes intra-camarguais, puisqu'elle escamote l'île de la Cape, et elle escamote le tronc commun jusqu'à Villeneuve. Bien, à la fin du XIIe siècle, dès la fin du XIIe siècle, le Rhône d'Albaron, mort depuis longtemps, et qui a pu être revivifié au IXe siècle, n'a plus, dès la seconde moitié du XIIe siècle, aucune importance économique. En 1201, on parle à proximité de Mont-Denis, d'un Rhodanais qui, olim solebat fluere versus albaronem. Bon. Et en 1204, c'est un brachiolum qui est entretenu artificiellement près de l'île de la Cape. À la même époque, l'ancien Rhône de Saint-Féréol est qualifié à l'ouest de Villeneuve de petit Rhodanais et ensuite de roubine ou de gabin. Ceci au nord-ouest et à l'ouest du Vacarès. Et là, ne subsistent sur son tracé que des sections de roubines plus ou moins bien entretenues. Et dès avant 1200, le sel des salines orientales de Notre-Dame de la Mer, c'est-à-dire salines qui sont proches de la côtière occidentale du Vacarès. Ce sel exporté vers le Rhône remonte non pas par l'intérieur de la Camargue, mais par la rune Roubine et par Albaron et le Rhône de Saint-Gilles. Et en 1323, les autorités du comté de Provence, en temps d'alarme, ne postent pas de pharocinatores au gros de la fourcade. Pour eux, le gros de la fourcade ne présente aucun danger, n'existe pas. Demeure seulement, un peu plus vigoureux que les précédents, le Rhône-Dulmet qui n'est pas qualifié de rhodanais aux environs de Doucement, mais de rhodanum minorem, de petit Rhône, en 1224. Ce Rhône-Dulmet qui porte son nom jusque à son gros qui se situe à une demi-douzaine de kilomètres de l'abbaye. Son chenal, qui est utile aux sauniers, est entretenu assez difficilement au XIIIe et au début du XIVe, et il est en grande partie abandonné au sud de Villeneuve après 1350. Sa tête est enfermée définitivement à la cape en 1440. En gros, donc, ces deux cartes du littoral entre Passon et l'Espiguette ne montent pas tellement aux marins. Deuxième trait commun, les deux auteurs donnent l'image d'un delta qui est étendu très largement dans la direction de l'ouest et jusqu'au lieu où le Rhône mêle ses eaux dans les étangs à celles du Vistre, du Vidourle ou du Lèze. Et cette gravité occidentale est au début du XIVe siècle logique par rapport à l'est qui est négligé, car avant l'essor avignonnais, les marins italiens fréquentent bien plus souvent Aigues-Mortes et Montpellier, qu'Arles et le Grand Rhône. Pierre Vesconte individualise Aigues-Mortes par une alvéole simple, l'arade, qui s'ouvre vers l'intérieur des terres et le chenal fluvio-stagnal dont je vais vous reparler. Angelino d'Ulcert, lui, est plus fidèle au réel avec une double alvéole pour Aigues-Mortes, correspondant aux deux rades du port. La rade extérieure, qui est le repousset, qui est une rade sûre, accessible aux gros navires pendant les 14e et 15e siècles, et même jusqu'au milieu du 16e siècle, pratiquement jusqu'au milieu du 16e siècle. Repousset, donc, et seconde alvéole, c'est l'étang de la ville, lui qui est ensablé et qui n'est accessible qu'aux copoles, c'est-à-dire à de toutes petites allèges, à fond plat, qui sont chargés de la relation avec les bras du Rhône. Mais le trait le plus spectaculaire, le troisième trait le plus spectaculaire de ces deux cartes, trait qui va être reproduit durant un siècle et demi par les cartographes nautiques, c'est la représentation derrière un lido d'un immense couloir de circulation fluvio-stagnale naissant à l'est du rocher d'Agde, s'amenuisant vers l'est, mais communiquant avec le Grand Rhône très en amont de la diramation de Fourques. Un semis régulier de points sur toutes les cartes révèle clairement la nature de ces eaux qui sont peu profondes et impropres à une grande navigation, à une navigation lourde. Cette interprétation surprenante constitue, à mon sens, tout à la fois la consolidation, en partie fallacieuse, d'un passé révolu et une promesse d'avenir. Pourquoi pas une emprise sur l'avenir? La consolidation d'un passé révolu. Je ne fais pas ici allusion à Pline, à Agde, à Rhoda Rhodiorum, ubi amnis Rhodanus nomen accepit, quelques lecteurs de Pline pouvaient toutefois faire ce rapprochement, mais aux conditions de la circulation batelière au XIe et XIIe siècle, condition rendue excellente grâce à la conquête agraire et aux grandes opérations de drainage et de vidange qui en étaient les corollaires. Les travaux de Jean-Pierre Poli sur la Provence et sur l'Argence en particulier ont montré que cette conquête agraire avait commencé et avait été extrêmement vigoureuse dès le milieu du XIe siècle. Et les maîtres du sol ont su alors, à des fins de drainage et de vidange, recreuser et réutiliser à des fins commerciales des paléochenaux ou des rhônes crevasses morts avant l'histoire ou au début de notre histoire. Je parle en tant que médiéviste. Ainsi, des vestiges du Rhône de Canavère ou des Touradons, vous pouvez vous reporter à la page 2, Rhône de Canavère ou des Touradons, avec la fosse gothique ou fosse godesque médiévale, hein, qui prend à la fosse et qui se dirige vers Psalmodie. Ainsi, de la dépression latérale sangidienne ayant servi au Viagium Antiquum, collectant les eaux de l'Argence et partant de Saint-Gilles vers le Scamandre. J'en ai fait un agrandissement, là, du territoire de Saint-Gilles, avec les deux roubines d'Argence qui conversent légèrement à l'est de la ville de Saint-Gilles et dont les eaux se réunissent avant de se rediviser les unes vers le Rhône. On a creusé un versatorium, on a utilisé un ancien versatorium du Rhône pour évacuer en partie les eaux superflues et convergent vers le Viagium Antiquum, c'est-à-dire une grande roubine navigable qui part de Saint-Gilles et qui ensuite va vers la fosse d'Anglace ou bien traverse vers le sud le Scamandre et rejoint la fosse Godest dont je parlais tout à l'heure. Bon. Par ces voies parviennent jusqu'aux foires de Saint-Gilles qui sont prospères dès 1100 les produits orientaux ayant pénétré dans les étangs par les gros de Montpellier ou de Moguio et qui remontent soit par le bras de la chèvre, c'est-à-dire Néguéromieux, hein, le Rhône de la chèvre qui aboutit dans l'étang du Repossais, hein, qui est ouest-est, en forme dense, ou bien par le Rhône de Daladel, ou bien par le Rhône de la fosse Godesque jusqu'à la fosse, ou bien par le Viagium Antiquum de Saint-Gilles. C'est dans ce contexte que le grand géographe arabe Idrisi peut écrire vers 1150, fidèle à ce qu'il a vu de ses propres yeux, car il a voyagé en Languedoc dans les années 1130-1140, où ce qu'a vu l'un de ses informateurs. Idrisi écrit « De Montpellier à Saint-Gilles, 6000. L'une et l'autre de ces villes sont situées sur les bords du Rhône, mais Saint-Gilles est situé sur la rive, employée sans doute pour le mot « section », orientale de ce fleuve. Idrisi avait l'impression d'une continuité batelière entre Latte, Montpellier, Maglone et Saint-Gilles avec des resserrements et des étalements alternés. C'est également dans ce contexte que l'on peut comprendre l'aisance avec laquelle les flottes pisanes et génoises se cherchent, se combattent et se dérobe de l'est à l'ouest du delta en 1165. Les galères pisanes vont de Saint-Gilles à la mer et, écrit le chroniqueur génois Contarini, les pisans s'échappent par le Gradus de Capra, le Rhône de la Chèvre, vèlent par Alium Fossam, vers par Alium Flumen. Hein, donc pas par un fleuve, ou par une fosse, ou par une roubine, et il ne fait pas la distinction entre les deux. Hein, pour des escadres de pisanes et génoises importantes, de navires longs, de galères. Bon. Il existe donc, entre le fleuve, les étangs et la mer, un système de circulation batelière ouvert, très ouvert même, avec au moins 4 itinéraires possibles. Jusqu'au temps de la construction des grandes levées bordières. Construction des grandes levées qui, dans ce secteur-là de la Fosse et de Saint-Gilles, date des années 1220, à peu près. Alors, un système clos se substitue au précédent et concentre la circulation batelière dans le Rhône de la Chèvre, près d'Aigues-Mortes, et dans une seule roubine qui est successivement la roubine dite Bossane ou Rosanal, la roubine des Coubes ou bien les Bourgidours. La précédente géographie n'est pourtant pas définitivement morte. Lors des grandes crues, les bateliers retrouvent durant quelques semaines les vieux itinéraires. Et le pontonnier de Fourques, par exemple Pierre Murat, atteste que durant l'année 1520, il a fait 10 voyages avec sa barque chargée entre Fourques, Saint-Gilles, et puis Moggio, Latte et Moggio, en passant par ses anciennes trouées et en passant en particulier par la fosse Godesse. Bon, voilà pourquoi aussi, en 1320 ou en 1339, les figurations de Vesconte ou de Doulchert ne semblent pas complètement irréelles. Alors, ceci, c'était la considération fallacieuse du passé, et j'évoquais aussi une promesse d'avenir dans ces dessins, ou une emprise. En 1321, Pierre Vesconte prolonge le chenal fluvio-stagnal jusqu'au Grand Rhône, très en amont de Fourques, je l'ai dit. Cette diramation est reproduite par Doulchert une quinzaine d'années plus tard, en 1339. Or, nous savons que cette liaison ne correspond à aucun paléo-chenal et que le Rhône de Beaucaire, cher au grand imaginatif qu'était Fernand Benoît, n'a eu aucune existence historique et que la roubine d'Argence, qui collectait les eaux des marais entre Beaucaire et Saint-Gilles, n'était pas navigable et ne l'avait probablement jamais été. Les paysans de l'Argence était épouvanté à l'idée qu'on puisse, au XVIe siècle, rétablir une continuité batelière entre Saint-Gilles et Beaucaire, Saint-Gilles et le Rhône. Ça préfigurait pour eux une catastrophe. L'information de Vesconte et de Doulchert était-elle défectueuse? Je croirais plus volontiers que le dessin, ainsi que le dessin intellectuel des cartographes, traduisait, ou plutôt croyait anticiper, la réalisation d'un projet monarchique ambitieux conçu sous Philippe le Hardi et Philippe le Bel et qui consistait à ruiner la prospérité de Montpellier, la grande métropole qui alors appartenait au roi de Majorque et qui était devenue l'un des plus grands centres occidentaux de commerce et de change, de banque. Et voulait ce projet monarchique réorienter au profit du royaume, le trafic de son avant-port, Aigues-Mortes, en faisant non plus l'avant-port de Montpellier, mais l'avant-port de Nîmes, nouvelle capitale économique espérée. On y attirait depuis 1280 par une série de privilèges des commerçants pigeants, génois et florentins. L'essor fulgurant d'Avignon et surtout l'achat de la seigneurie montpelliéraine par Philippe VI de Valois en 1349 rendir évidemment ces grands projets caducs. Malgré cela, on l'a dit, les cartes de Vesconte et de Doulchert sont au XIVe et XVe siècle très souvent reproduites, car leurs données principales ne semblent pas controuvées. Aigues-Mortes, en relation aisée avec les étangs, demeure un port important, tout à la fois un marché à proximité des salines de Péquet, un port où les Génois, les Nissards et les Florentins viennent charger le sel, une base d'avitaillement de la batellerie rhodanienne et un point fort des ambitions maritimes et des politiques douanières de Charles VII et de Louis XI. Pensons aux galets de France ou au passage obligé à la porte d'entrée obligatoire des épices par le port d'Aigues-Mortes en attendant Lyon. Si bien qu'en 1484, avec raison, les consuls de Lyon, dans un mémoire officiel destiné aux états généraux de Tours, citent Aigues-Mortes avant Marseille comme port d'exportation rhodanien. Et avec la plupart des chroniqueurs et géographes de cabinet, ils localisent même à Aigues-Mortes la principale embouchure du Rhône, comme le veut l'idée déjà ancienne du royaume des quatre rivières, le royaume cerné par l'Escaut, la Meuse, la Saône et le Rhône, comme le veut aussi l'idéologie du Rhône tout entier au roi. Et si le Rhône est tout entier au roi, il est bien évident que le roi doit posséder la principale embouchure du Rhône. Le roi possède Aigues-Mortes, la principale embouchure du Rhône, donc se situe à Aigues-Mortes. Telles sont les conclusions de Gilles Le Bouvier, le héros Berry, dans sa description des pays de 1450. Telles sont les conclusions de Mathieu Thomassin, dans son registre delphinal, de 1460-70. Telles sont les cosmographies d'Alphonse de Saint-Onge, de Jacques Signaux ou de Claude Champier, etc., de bien d'autres, qui honorent la vieille frontière, pourtant abolie dès 1481, et valorisent son terme lié aux grandes heures de la monarchie, à Saint-Louis, à Philippe le Bel, aux ambitions maritimes, commerciales et douanières. Officiers royaux et humanistes marchent ici la main dans la main, car l'idée s'est progressivement imposée au XVe siècle que l'actuel Petit Rhône, nommé au XIIe siècle Antiquum Rhodanum, puis Rhône de Saint-Gilles, puis Brassière gallique, a été fait de main d'homme, jusque et exclusivement Aigues-Mortes. Et les opérations qui ont lieu autour de 1500 et de 1530, autour d'Aigues-Mortes, c'est-à-dire depuis longtemps, d'ailleurs j'aurais dû vous en parler, la fermeture du bras de la chèvre, et puis vers 1500, la fermeture du Rhône de Saint-Roman, hein, qui aboutit au Malcanet, et puis en 1532-34, l'ouverture du Rhône vif, l'ouverture du Gros Neuf, hein, c'est-à-dire que l'embouchure là du Rhône a été déplacée. Ces opérations, évidemment, elles consolident l'idée que le Rhône de Saint-Gilles a été fait de main d'homme. C'est une roubine qui avait été naguère attribuée, selon les yeux, au Gaud, à Charlemagne, au comte de Toulouse, au bon comte de Toulouse, de la fin du XIIe siècle, et qui est naturellement devenue, pour les doctes de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, l'œuvre du consul Caius Marius, qui, par la même occasion, donne son nom à la Camargue. La Camargue, c'est Caï Marie Agère ou Campus Marie. Et en 1538, les consuls de Nîmes, comme ceux de Beaucaire d'ailleurs, les laboureurs de Beaucaire, ne parlent pas d'Aigues-Mortes, mais de Fossas Marianas. Cette hypothèse qui faisait d'Aigues-Mortes une fondation romaine, simplement restaurée par Saint-Louis, fut popularisée par de grands auteurs, Rabelais, qui a assisté à la rencontre entre François Ier à Charles Quint et Charles Quint dans la rade d'Aigues-Mortes, dans la rade du Repos-Sec. Et Rabelais se targue d'avoir assisté à cette entrevue à Fossas Marianas et d'être venu de Fossas Marianas. Et cette idée, cette image, elle est reçue par les cosmographes les plus réputés, Sébastien Minster, François de Belforêt ou André Thevet, et ainsi presque unanimement admise jusqu'au début du XVIIe siècle. Malgré Fausse, malgré Martigues qui est l'antistrophe d'Aigues-Mortes, Aigues-Mortes, Mortaigues, Martigues, bon, et malgré la montagne du discours attirant l'attention sur le flanc oriental du delta. Pour ce flanc oriental, tous les clercs des XIIe et XIIIe siècles connaissaient le nom que les anciens avaient donné à l'une des principales brassières du Rhône, la Massiliensis. Le nom entraînait l'idée d'une proximité immédiate entre le fleuve et la ville. Et c'est parce que Marseille servait de porte au Grand Rhône qu'on avait baptisé celui-ci Marseillais, ça va sans dire. La connaissance fragmentaire de César, de Justin, des passions locales, en particulier la passion de Saint-Victor, des légendes de fondation, les Phocéens fondateurs, hein, Candita, Igitur, Massiliaes, Propéossia, Rodani, entretenaient cette représentation. Autour de 1200, le cycle des légendes de Béthanie, c'est-à-dire l'arrivée des saintes Marie Jacobée, Marie Salomé, Marie Madeleine, avec Maximin, avec Eutrope, avec Lazare, etc., qui arrivent, qui échouent sur leur bateau ou leur radeau sans voile ni rame, fortifient encore ces corrélations et les diffusent largement. Les auteurs font aborder les saintes femmes et leurs compagnons sous les murs de Marseille et dans l'endroit où le Rhône se jette dans la mer des Gaules, dit le pseudo Rabanne-Mort, qui est un des principaux auteurs de ces légendes, et qui est suivi par les divers auteurs des Vitées de Marie-Madeleine. Les peintres de retables, en particulier Lucas Moser en 1431, peignent les eaux du fleuve battant les remparts de Marseille. Et c'est parce que Notre-Dame de la Mer, devenue tardivement les Trois Maries, puisque la relevatio des reliques, la relevatio solennelle, n'a eu lieu qu'en 1448. Parce que Notre-Dame de la Mer est peu visitée et modeste, les cartographes placent longtemps les Trois Maries en position beaucoup plus honorable sur la rive du Grand Rhône d'Arles, soit à l'est, soit à l'est. Non loin d'un lieu qui a retenu, dès le XIIe siècle, l'attention des poètes et des auteurs de portulans et de cartes, ce lieu, on l'a cité ce matin, c'est le petit îlot fortifié, rocheux, d'Odore, anciennement baigné par les eaux du Galéjon. On sait que cette éminence a été occupé au temps pré-romain et a pu servir de poste de surveillance sous l'Empire et sous le Bas-Empire. Et on retrouve son nom dans la nomenclature de toutes les cartes portulanes jusqu'au XVIIe siècle. Une tour de guet s'élevait là. Nous ne savons pas quand ni pourquoi elle fut baptisée Odore. Alors là, il y a un petit problème. On peut se faire plaisir en pensant que la tour d'Odore, c'est la tour d'ordre, et que la tour d'ordre fait penser à la tour de Boulogne-sur-Mer, qui passait pour avoir été édifiée par Jules César. Donc, la tour d'Odore répondrait à la tour d'ordre d'un côté à l'autre des Gaules. Et c'est peut-être sans doute plus vraisemblablement une tour ardente, habitée en temps d'alarme, et allumée en temps d'alarme, par quelques pharocinatores signalant l'apparition de voiles hostiles. En tout cas, c'est à l'extrême fin du XIIe siècle que les poètes en font l'un des hauts lieux de l'épopée arlésienne. L'auteur du roman de Saint-Trophime, le roman de Saint-Trophime est assez mal daté, il est vraisemblablement des toutes premières années du XIIIe siècle, puisque son auteur prétend avoir assisté au transfert des reliques de Saint-Trophime dans le cloître de la cathédrale, et l'événement avait eu lieu en 1152 ou 1155, je crois. Cet auteur du roman de Saint-Trophime parle du port que est d'Arles, que appelant Odore. Et l'auteur du roman d'Arles, roman légèrement postérieur, fait de la baie d'Odore le lieu de concentration et de mouillage des flottes sarrasines arrivées d'Espagne, d'Afrique ou de Syrie. Et d'Odore, des masses de guerriers partent à l'assaut d'Arles, le Blanc ou d'Orange. Alors, quittons cet imaginaire romanesque pour l'histoire. Le chroniqueur anglais Roger de Hovenden, allant par mer retrouver le roi Richard Cœur de Lion, qui en route pour la Terre Sainte, il rejoint le roi à Marseille en août 1190. Roger de Hovenden éprouve le besoin de signaler Odor dans son journal. Cet ecclésiastique, c'était un esprit éclairé, très curieux, et il fait appel à ses souvenirs livresques et il s'informe auprès des marins. Et il note les principales villes et les églises aperçues. Il précise que les vaisseaux, longtemps après avoir doublé Maglone au sud-sud-ouest de l'Atte Montpellier, transierunt ante insulam que dicitur Odor, quaes a introintum Rodani. Ce Rhône qui, ajoute-t-il, conduit à la bonne cité d'Arles-le-Blanc. 50 ans plus tard, en 1240, le bénédictin anglais encore, Matthieu Paris, relate dans son Historia Major la croisade du comte Richard de Cornouailles. Richard de Cornouailles, c'est un fils de Jean Santerre. Et confondant sans doute volontairement la géographie épique et celle de son temps, il localise à la roque d'Odor, le rassemblement et l'armement de l'escadre qui ont pu avoir lieu non loin de là, dans la rade de Boue. Jusqu'à Thomas Plater, cet humaniste balois, qui en 1592, cinglant d'Aigues-Mortes vers Marseille et décrivant, fidèle à ce qu'il a appris, les sept bouches du Rhône, fait encore état d'un bras du fleuve aboutissant à la roque d'Odor, que le mauvais temps ou l'éloignement ne lui permettent pas de voir, mais que sa culture imposait dans sa description. Les portulans et les cartes marines, fort heureusement, restituent une géographie moins hypothétique. Le très précieux Liber de Existentia Riveriarum, un précoce routier de mer, qui a été publié en 1995 par Patrick Gauthier d'Alcher, sous le titre « Cartes marines et portulans au XIIIe siècle », c'est dans la collection de l'École française de Rome, d'ailleurs, fut rédigé peu avant 1200 par des pisans qui connaissaient bien le Rhône, le Bas-Rhône, et qui utilisaient des routiers sectoriels antérieurs. Ce Liber de Existentia ne mentionne pas Odor, mais il livre une information de première importance. La distance, estimée à 10 000, séparant Portus Boci, port de Boue, de la première bouche navigable du fleuve. Quod dicitur Panavia. Quod dicitur Panavia. Et en poursuivant vers l'ouest, les auteurs citent ensuite Passion, pour Passon, à 3 000 de Panavia, puis l'ostia quod dicitur Olivetum, une cacographie pour Ulmetum, à 15 000 de la précédente. Le compasso des navigars, plus jeune d'un bon demi-siècle, et qui servit sans doute de base pour établir la carte dite pisane, ne parle pas de Panavia, mais d'Odor, situé à la même distance de Boue, 10 000, et il donne ensuite Passono, à 7 000, ouest-sud-ouest. Le portulan vénitien, imprimé en 1490, et connu sous le nom de Luigi de Cadamosto, est une compilation établie à partir de multiples manuscrits du XVe siècle. Il évoque quant à lui un gros dono, distinct d'Odor de 5 000, puis un gros de Passetto, séparé par 5 autres milles du gros dono. Malgré les incertitudes, c'est-à-dire incertitudes tenant à la valeur du mille, à la manière d'évaluer les distances, etc., les valeurs indiquées conduisent à cerner des zones de localisation probables des gros de Panavia, d'Ono, de Passet. Panavia s'identifie à Odor. L'hypothèse la plus probable est celle d'une bouche de la brassière de l'Agen, qui est une diramation du bras mort coulant à l'extrême ouest de la Rasiège Fossane, non loin de la tour Romière, dans une direction presque méridienne, avant de disparaître vers Odor, vers les gros, quoi, soit à l'ouest, soit à l'est de l'îlot Rocheux. En 1340, ce Rodanais, la brassière de l'Agen, est encore mentionné comme jouxtance dans une seigneurie des Porcelets sous le nom de Bracium Rodani. Il est depuis assez longtemps dépourvu d'importance batelière. On ne poste pas de Pharosinatores à Odor en 1320. Il n'est plus question de Panavia au XVe siècle. Par contre, apparaît le gros Dono, bien distinct de celui de Passet, qui lui est à 5000 plus à l'Occident. Et on retrouve ce gros Dono ou de Lono dans des documents postérieurs, localisés à l'entrée de la Laune de Malbarge, qui a été reconnue par les sédimentologues, vers les amphores, soit à peu près à l'emplacement du canal des Launes, ouvert en 1711, canal qui réutilisa sans doute le paléo chenal Dono. Enfin, Passet à 5000 Dono doit être situé vers Pharamand, sur le Rhône du Grand Passon, sous le Garbin, non loin de la chapelle Saint-Tropime, à la bouche principale du fleuve. L'apparition de Passet semble enregistrée sur une carte de Gabriel de Valseca en 1447, avec une grande accentuation, et il ne faut pas tenir compte de la direction du nouveau petit bras, c'est simplement que ce bras double le précédent. Pour résumer, dans cette partie orientale du delta, la circulation batelière s'est en 3 siècles déplacée et sensiblement d'est en ouest, de Panavia au Dor en Lono et de Lono en Passon, et dans ce glissement, l'action humaine a été décisive. Ce sont les sauniers qui ont condamné au Dor, demeuré le terme d'un Rhodanais actif tant que la céréaliculture dominait dans le plan du bourg et progressait dans le plan du bourg. Il s'agissait alors, comme dans la partie occidentale, d'évaluer les eaux des marais d'Arles et des crues du Rhône vers le Galéjon et vers le golfe de Fos par les extensions de Bas-Mort vers l'est et vers le sud, extension indispensable au drainage et donc protégée. Les consuls d'Arles, alors, introduisent Odor, incluent Odor, dans le tenementum de la ville, et les poètes en font la porte monumentale d'un Rhône orgueilleux, pour peu de temps. Peu avant 1250, le développement des salines de l'Avernède, situées à l'amont immédiat de Bras-Mort et à l'est du Grand Rhône, signifia très vite la condamnation de cette brassière orientale. Il fallait désormais, à l'inverse du système précédent, contenir les eaux douces et faciliter la remontée des eaux salées vers les partènements de la Vernède. Des levées furent édifiées et une palière barra le bras du Galéjon au pas de Bouchet en amont de l'île de Lanzac. Ceci autour de 1250. Puis on ferma le Bras-Mort à sa prise sur le Grand Rhône, peu après 1300. Au XVe siècle, Bras-Mort et Lagey ne sont plus que des brassières de crues encombrées de pêcheries et donc quasiment impraticables. Seuls demeurent l'Aune puis Passon prenant la première place après la crise du milieu du XIVe siècle. Quelques remarques pour conclure. Au terme de ce survol, les représentations médiévales du delta peuvent légitimement paraître très schématiques et bien fragiles. Les cartes sont tardives, elles sont répétitives, il faut attendre le temps des ingénieurs du roi, c'est-à-dire le début du XVIIe siècle, pour enregistrer là de spectaculaires progrès. Et les descriptions des lieux demeurent rarissimes. En dehors des Rhônes, vers 1500, la Camargue est un pays presque inconnu des étrangers, et les voyageurs ne s'y hasardent pas. Je ne suis même pas sûr que Hans von Waldheim, qui est le seul voyageur parlant des Trois Maries, hein, des Saintes Maries de la mer, soit allé jusqu'à ce lieu. Deuxième remarque, quand la cartographie nautique apparaît et se développe et se recopie, les grandes entreprises qui ont transformé l'espace deltaïque ont été accomplies. Ces grandes entreprises, c'est l'édification entre 1190 et 1220 des grandes levées bordières, et puis en second lieu, entre 1250 et 1300, c'est la construction et le développement des salins qui ont, à l'est comme à l'ouest, condamné les brassières secondaires et les Rhônes crevassent. Troisième et dernière remarque, vers 1450 ou 1500, les habitants du Delta pensaient que leur pays était pour une très large part une construction humaine. Dans bien des cas, on ne savait plus si tel ou tel chenal, roubine, gabin était création de la nature ou œuvre des hommes. La Camargue, jadis Caramarquia, était devenue fille de Marius, et le Rhône de Saint-Gilles, une simple roubine. Bel hommage rendu aux terraillons arlésiens qui ont siècle après siècle modelé le pays afin d'en vivre moins mal. Et contre les dires de certains vulgarisateurs, la Camargue est, passez-moi l'emphase, fille des hommes autant que du Rhône et de la mer. Je vous remercie de votre attention. Merci bien pour une communication très intéressante. La chambre est libre pour les questions. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Cette communication est très riche et il va falloir que je digère pendant un certain temps toutes les informations que vous nous avez livrées. La carte, le dernier essai que vous nous proposez pour la partie orientale du côté de la Roque d'Odor. Donc, pour vous, cette carte-là, c'est, si j'ai bien compris, l'état final vers 1400 et quelques. Oui. C'est ça ? Oui. Et donc... entre le bras de l'AG. Vous avez vu là que, hein, en tant que médiéviste, et se fondant sur des textes, hein, essentiellement, je n'ai pas voulu tracer très précisément les brassières de l'AG, hein, le Rhône de l'AG, quoi. Hein. J'ai laissé beaucoup de points d'interrogation sur les tracés que j'ai choisi d'établir. Hein. Donc, pour vous, c'est deux possibilités. Un, c'est la possibilité d'un débouché à l'est de la Roque d'Odor. Oui. Et la possibilité, éventuellement, à l'ouest. Éventuellement à l'ouest, oui. D'accord. Oui. OK. Je croirais plus volontiers à l'ouest, hein, bon, mais... Pourquoi ? Parce que, moi, par carottage, je l'ai suivi un peu plus au nord, et j'ai pas pu avancer plus au sud. Et c'est vrai qu'à la Roque d'Odor, en fait, on a un enregistrement très sédimentaire, très tardif. Oui. On manque de datation. Et pour moi aussi, ça m'arrangerait que ce soit un peu plus à l'ouest qu'à l'est, cette brassière. Pour nous, c'est un peu plus à l'ouest. Alors. D'accord. Hein? Pour le moment, quoi. Provisoirement. Après, j'ai une autre petite question qui est très subsidiaire et peut-être vous n'en avez pas parlé, mais vous représentez plusieurs fois des roubines qui traversent des zones en eau, comme le Scamandre, etc. Ah oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous avez des informations que vous n'avez pas livrées aujourd'hui sur la construction et la difficulté, comment ils résolvent des problèmes techniques pour traverser ces zones en eau par ces roubines? Oui, j'ai des informations, en particulier sur la section, la Saint-Gilles, Scamandre, Charnier, parce que on possède là, grâce à de multiples enquêtes du 14e, 15e, début 16e, des itinéraires de roubines. Et donc, des itinéraires de roubines qui sont, j'allais dire, en terre ferme, qui ont été creusés, et d'autres qui sont à demi-construites, quoi, à demi-creusées dans l'étang, et qui sont surtout balisées et jalonnées, hein, et qui transpercent la zone d'Auzeray, hein, et qui aboutit, donc, la roubine aboutissant dans le clair de l'étang, c'est-à-dire l'étang débarrassé de toutes ces joncs, quoi, de tous ces... Donc la partie travaillée, c'est essentiellement les bordures. Et puis après, alors, la bordure de Saint-Gilles, oui, il y a effectivement deux itinéraires deux itinéraires possibles. L'une des roubines longe la rive nord du Scamandre, à travers, je parle d'Auzeray, je me trompe, à travers les joncs, quoi, hein, à travers les joncs, pour aboutir au charnier et redescendre vers la fosse d'Anglas, derrière Aigues-Mortes. Et le second itinéraire traverse alors du nord-est au sud-ouest le Scamandre pour rejoindre la fosse gothique, parce qu'à un moment, cet itinéraire était sans doute plus favorable. Alors interfère là-dessus des problèmes qui ne sont pas seulement des problèmes environnementaux ou hydrodynamiques, mais des problèmes politiques et des problèmes juridiques. C'est-à-dire qu'il y a des détenteurs du pouvoir qui, évidemment, s'efforcent de dévier les routes principales vers leur péage, quoi. Et c'est le cas pour le comte de Saint-Gilles, hein, et pour le lieu fort, là, le lieu d'Espérant ou de Mirapais ou d'Elra. On a une série de textes des années 1160-80 qui sont publiés généralement ou cités sous le titre de péage de Saint-Gilles. Et ce péage de Saint-Gilles, ce sont les droits qui sont levés soit à Espérant, soit au port d'Elra, soit à la Fosse, soit à Néguéromieux, c'est-à-dire sur le Rhône de la Chèvre. Et ça nous renseigne d'ailleurs, ça nous renseigne assez précisément sur la qualité des marchandises qui empruntent l'un ou l'autre de ces itinéraires. Là, on rejoint les distinctions faites tout à l'heure. Marchandises en provenance soit de Montpellier, soit des gros, soit de la haute mer. Je pense que j'ai répondu à votre question. Il y a les autres demandes? Bon, merci beaucoup pour votre intervention. C'est évidemment très riche. Effectivement, je rejoins Claude Vella pour dire qu'on va avoir un peu de temps pour digérer tout ça. Donc, vous nous avez montré qu'effectivement, les sauniers de la Vernède influencent, en fait, hein, cherchent à influencer le paysage, évidemment, ce qu'on retrouve d'ailleurs même de manière générale, hein, ce va-et-vient entre homme et paysage, on le retrouve assez tôt dans l'histoire. Et donc, voilà, j'aurais bien aimé vous entendre parler un peu plus sur l'histoire. Oui, sur merci de me poser la question, parce que moi, j'ai été pressé par le temps. Hein, je suis désolé. Mais... J'étais contraint par le temps. C'est-à-dire que la partie orientale du delta, il est évident, contrairement à ce que quelqu'un a dit, je crois que c'est hier, que Odor est inclus dans le delta du Rhône. Odor n'est pas extérieur au delta du Rhône. Cette partie du delta a fonctionné comme une lagune vive qui pouvait donc faire drainer les eaux des marais d'Arles, hein, des marais de Capot, de la Trincagnière, etc., vers le golfe du Galéjon, ou bien au contraire faciliter par le reflux, faciliter la remontée des eaux salées vers les partainements des salins d'Arles, des salins de la Vernède. Voilà. Et il est absolument sûr qu'il y a eu une politique longuement élaborée et suivie par les propriétaires des salins de la Vernède, qui avaient alors là une idée que j'ignore, moi, mais une idée de l'espace, une idée très précise de l'espace, qui ont consolidé des levées, par exemple, à l'est de la brassière de Lagey, pour ne pas que les eaux douces se mêlent aux eaux salées en provenance du Galéjon. Hein. Et c'est pour cela qu'on a barré le pas de Bouchet, donc, et puis ensuite barré la prise de Bramore, sur le Rhône. Et Cruyte, je sais pas, ce nom vous dit quelque chose, bien sûr, Cruyte avait remarqué qu'il y avait une rupture, là, assez brutale dans la sédimentation, donc il y avait eu une rupture fluviologique, mais que lui, influencé par l'érudition du 19e ou du 20e siècle commençant, attribuait à une rupture tardive, attribuait à la fin du 16e, alors qu'il s'agit du 14e siècle. Et on a des textes, par exemple... je suis trop long, vous me le direz, monsieur. Non. Bon. À la fin du 15e ou au début du 16e siècle, on a des textes qui font état de l'abandon d'une des salines de la Vernède d'Arles, puisqu'il existe aussi la Vernède la Vernède à Démare, à l'ouest des Saintes-Marie, l'abandon parce qu'elle est trop éloignée du Rhône, vous vous rendez compte? C'est bien la preuve que le bras mort, là, n'existe plus, pratiquement. Alors, merci bien. Merci aux orateurs, merci au président.